Coucou. Ça y est, on est en ligne. Jeanne, dis quelque chose. Bonjour, bonjour, bonjour. Super, jingle. Radiozine. Tiens, vas-y. Ça marche pas. C'est un petit. Bonjour, voilà. Bonjour. Trop super. On vous avait manqué, c'est vrai, oui. C'est sûr. Depuis un an. Donc on est là dans le salon des pas perdus à la maison communale de Plainpalais avec Jeanne 7, ici présente à mes côtés. Alors,